C'est bien important de bien savoir. Ce que je dis, c'est que toi, à un moment donné, tu peux t'en sentir coupable, récupéré par les autres. Que bon, on ne doit pas. Si l'enfant conteste, c'est qu'il réfléchit. C'est pas l'enfant qui conteste rien, c'est qu'il remet rien en question. C'est quoi? C'est qui change les sociétés? C'est les marginaux, c'est ceux qui remettent en question des choses. Pas ceux qui pensent que tout est parfait. Donc, le tien, les tiens, ils créent des problèmes, ils sont imparfaits. Tout ce que tu as à savoir, ils sont parfaits. Ils sont intelligents. C'est sûr qu'étant intelligent, ça crée des problèmes. Par rapport à l'adulte qui aimerait avoir des enfants plates. Mais l'enfant plate, il ne crée pas de problème. Mais il ne bâtira rien non plus. Puis notre société, on n'est pas sur notre terre pour rien. On n'en parle pas ce soir, mais de toute façon, l'humain a un rôle à jouer, puis l'humain évolue. Et quand l'enfant devient intelligent, tout ce qui est con, il ne peut plus faire de demi-mesure. C'est ou ce n'est pas, il n'y a pas de, tu sais, bon, ben, c'est pas rien faire avec ça. Fait que toi, c'est normal, tu te contentes, tu es en train d'apprendre à être capable de jouer avec le mot oui, avec le mot non. Tandis que les enfants anciens, ben, c'est des enfants qui ne comprendront pas, puis qui vont y aller. Mais c'est les premiers à se faire violer, c'est les premiers à avoir des jobs qui sont inutiles, c'est pas, même s'ils sont bien rémunératifs, ces jobs-là. Il va dire, oui, mais ça fait 15 ans, je fais de beaux jobs. Moi, j'aurais voulu faire. Il y a un enfant nouveau, il va faire ce qu'il va vouloir faire. Il va bâtir le job s'il le faut. S'il aime vivre dans le bois, ben, tu vas le perdre. Il va vivre 3 mois, 3 ans, 15 ans dans le bois en trappeur, tu vas le perdre. Puis tu vas dire, oui, mais j'ai raté mon coup, cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'il est devenu exactement ce qu'il voulait être. Les autres, ils vont trouver que tu as manqué ton coup parce que tu n'as pas réussi à le former, à le briser. Un enfant problématique, moi j'en ai eu 3, plus j'en ai 3 encore d'ailleurs, mais problématique plus qu'il faut. Et moi, j'ai jamais souffert avec cet enfant-là. Jamais. De la merde en masse pour les autres. Moi, j'ai jamais souffert avec. Partout où je voulais aller, s'ils veulent venir, ils ont toujours été les bienvenus, souvent ils sont venus. Mais c'est de la merde dans la société conventionnelle. C'est pas de la merde, ils sont hyper intelligents. Et évidemment, étant hyper intelligents, ils peuvent pas être normal. D'ailleurs, moi, je suis pas normal, je vais non plus. Mais l'enfant qui conteste, est-ce que c'est le cas du tien? Il y a quel âge? 2 ans? Parfait. Donc, c'est un enfant nouveau, c'est impeccable. J'aurais eu 12 ans. Il y a des problématiques à un moment donné où l'enfant il veut suffisamment nouveau, mais on le brime continuellement, puis il finit par se manger. À 2 ans, ce qui arrive, c'est que cet enfant-là, premièrement, n'a pas encore réussi à établir d'amitié avec ses parents. Bon, il peut aimer ses parents, mais il n'y a pas d'amitié. C'est comme toi, si tu aimes ton mari n'est plus un ami. Okay? Il y a une maudite nuance à faire entre l'un et l'autre. Il peut aimer les parents, les aimer, mais ils ne sont pas des amis. Alors, il va respecter son ami. Mais sa mère, c'est sa mère. Son ami ne veut pas y faire de la bouffe, il va comprendre. Mais sa mère, qu'elle ne veut pas y faire. Ouais, crème, ma mère, pourquoi ça sert une mère? Il l'aime, mais c'est pas un ami. Alors, cet enfant-là n'a pas de relation amicale avec les parents. Et puis, en plus, on l'a instruit comme un enfant ancien. Sans doute, on n'a pas pensé qu'il pouvait comprendre l'intelligence de certaines choses. Alors, il doit apprendre, et s'il est rendu qu'il se rebelle en cassant un client, en maganant des choses, il va falloir qu'il apprenne en souffrant. C'est-à-dire quoi? Il va falloir qu'il se fasse traiter exactement comme il traite les choses. L'exemple que je te donnais, c'est que l'enfant arrive, il casse quelque chose. Toi, tu dois marcher, t'en aller, puis te frapper bang à terre, puis tu t'en vas. Tu continues, tu ramasses tes bébés. Il va faire une maudite crise. C'est normal. Il a été programmé que ses parents te désendouillent. La journée, non, mais je parle de son point de vue à lui, là. La journée que les parents, elle l'a toujours vu. Elle a toujours été manipulée par tout ce qu'il faisait. Puis là, bang, bang. L'enfant n'est même plus dans la conscience de sa mère. Là, il va faire une crise. C'est préférable qu'il la fasse à 2 ans qu'il la fasse à 8 ans. OK? Parce qu'à 2 ans, il suicide de repos. Mais il y en a qui a 4-5 ans, il y en a 8 ans déjà qui suicident. Bon. Puis il y en a qui suicident pour se venger de leurs parents. Ils savent que ça va faire chier le parent. Ils vont se suicider. Ils se pendent dans la maison, ils font des conneries, ils leur font des mots, des belles lettres. En tout cas, c'est génial. C'est ta faute. C'est parfait. C'est bon. À 2 ans, il n'y a pas de danger. mais il est temps qu'ils apprennent à être traités comme ils traitent l'extérieur. Ça va être dur, faut qu'ils soient pourtant amusants pour traiter. Ce qu'il fait, vite, il va finir par apprendre. À un moment donné, là, il va faire des crises, puis ils sont chez les parents. Bon, je sais que les parents, les enfants vont être extrêmement touchés par ça. Mais pas seulement que les parents deviennent des bons acteurs, puis il y a le fait qu'ils ne sont pas. À un moment donné, l'enfant, il va encore casser des trucs, puis il faudra aussi lui dire, regarde, je t'ai acheté ça. L'enfant tout content. Puis à un moment donné, tu passes à côté, casse ce qu'il a acheté. OK? Extrêmement chien. L'enfant va finir par se rendre compte que qu'il y a une désharmonie totale. Puis il va finir par savoir avec exactement ce que lui fait. Puis là, à un moment donné, après 3-4 mois, là, il va falloir que tu lui dises il faut faire un pacte. Je te dis que tu casses mes bebelles, mais j'aime bien casser les tiennes. T'aimes ça casser les miennes? Il va répondre peut-être oui, peut-être non, parce qu'il va savoir où tu veux en venir. Puis là, il faudra faire un pacte. Casse. Puis il faudra que l'enfant apprenne par intelligence. Parce qu'un enfant de 2 ans qui fait ça, le tape le chicane là, ça va rien changer. Ça va rien changer, ça va faire les choses. Il n'y aura rien à faire parce que si tu veux y aller par l'émotion, tu n'arriveras rien à faire avec. Parce que, encore une fois, la psychiatre appelle les enfants incorrigibles. Torture-le, tu ne changeras rien chez lui. Il n'y a rien à faire. Il faudra que tu le prennes par l'intelligence. Il est intelligent. Puis pour le prendre par l'intelligence, il est dans une phase bien avancée, il faut commencer par le heurter comme lui nous heurte. Simplement. Parce que des enfants, vous les voyez dans un centre d'achat. Il y a des adultes qui sont debout, l'enfant, il passe. Hein? Il est pousse, les adultes. Oh oui. OK, lui, il s'en va, là. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, paf, à terre. Tu t'inquiètes, t'attends toujours. La mère, insulte tes bérettes, tout le monde te regarde. C'est qui cet adulte-là? Pauvre petit. Ce pauvre petit-là, il mériterait que toi, en pleine face. Parce qu'il va être un tyran plus tard. L'enfant nouveau qui devient tyran, c'est très dangereux. Très. Puis quand je dis très, je pourrais donner des exemples dans l'Antiquité, mais de toute façon, c'est très dangereux. C'est préférable. Il est très beau, puis tout le monde le trouve tellement beau qu'il manipule tout le monde, casse le nez. C'est important qu'il vienne là. Parce que sinon, il va devenir un tyran majeur. Puis, dangereusement, c'est des ennemis de l'humanité. Parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Ils n'ont pas compris l'ajustement puis l'écologie. C'est très dangereux. Ils vont prendre leur monde, puis ils vont l'établir partout, puis ils vont obliger les gens. Puis, j'ai fait des conférences dans les pénitenciers. On a fait des criminels qui sont là, puis c'est des gars que j'engage. Il y a encore trop de mémoire, mais c'est du monde génial dans 1/3% des cas. Ouais, mais tu peux pas me mettre à pitcher les affaires. Non, pitcher peut belle à lui, pas Étienne. Oui. Puis toi, tu cries pas après, tu cries jamais après un enfant. Crier après un enfant, c'est exactement comme un fouetter un lion. Le fouet. Le gars, il claque en haut du lion, en avant du lion, puis il touche jamais le lion avec. Parce que le lion va sur le dos. Le cheval, c'est pareil, il fait du pas. Il fait du pas mal. L'enfant, quand tu cries après, premièrement, tu finis par le programmer à être habitué. Fait que tu auras beau crier après ça, tu t'entends même plus. Puis deuxièmement, c'est que c'est évident que tu es toujours hors contrôle quand tu cries, puis ça, lui, il perçoit. Donc en partant, il court, comme ça. Il est ton maître. Alors, tu t'en viens, lui casse quelque chose, tu es très important de le bousculer, lui. Tu recules, il écrase un pied, tu t'en vas. Il va broyer. Tu le regardes, va-t'en. Tu vas avoir peur, tu penses que tu l'aimes plus. C'est ce qu'il va penser. Tu ne sens pas ce qu'il va penser. Là, il va tout faire à un moment donné pour gagner ton amour. Après avoir tout fait pour t'obliger à le lui redonner. Parce qu'il est chien, enfant nouveau. Très chien. Mais à 2 ans, c'est le temps d'en profiter parce qu'à 4 ans, il va te menacer de choses que tu vas tellement avoir peur que tu ne pourras plus. À 4 ans, c'est 6 mois, je vais. Mais là, tu n'oseras pas prendre le risque. À 2 ans, il ne le fera pas. Il va te faire de feindre tout ce que tu voudras. C'est à toi de t'organiser pour fonctionner. J'ai un bonhomme qui était un vrai maître. Un gars pas instruit, il ne savait pas lire rien, habillé tout croche, il se baignait à poil dans le lac Saint-François. Il tassait une cube de glace le printemps, il se baignait là-dedans avec 3 ou 4 de ses chiens. Et puis, à un moment donné, il y avait un chien qui mordait tout le monde, qui agressait, puis on l'a voulu le tuer. Pas un chien, lui, un chien qu'un bonhomme qu'il avait dans un village où, près d'où il restait. Il est allé chercher le chien, puis il leur a dit, moi, donnez-moi le chien. Il a amené le chien, mais d'une cage. Il l'a mis dans un champ, et puis il a réussi à l'attacher après un piquet. Mais le chien, il n'était pas malade, mais pas physiquement, mais psychologiquement, c'était vraiment pas un cadeau. Alors, il allait chercher de la bouffe, puis quand il approchait du chien avec sa bouffe, le chien, là, prenait les morceaux de poulet, mais il tirait dans la face du chien. Puis il s'en allait. Et le chien a fini par se rendre compte que la bouffe, c'est l'autre qui y amenait. Puis, comme il gueulait après, ben, il mangeait les morceaux d'os par la tête. Puis il est venu un temps où ce chien-là finit par comprendre. Quand le chien gueulait moins, le gars, il arrivait, puis il donnait, il lançait ses... Il approchait pas, parce que le chien, hein, c'est pas que un chien, comme un humain. Alors, il lançait ses trucs en avant, puis le chien pouvait bouffer. Puis là, il parlait avec une voix correcte. Il revenait après, le chien était encore à manger, il tirait la caisse de poulet dans sa tête. D'ailleurs, il même goûtait au poulet avant de donner à ses chiens, il ne pouvait pas les nourrir de viande avariée. C'est le seul chien qui pouvait bouffer. Puis, à un moment donné, ben, le chien, il a pu venir vivre avec. Quand il y a d'autres mondes qui arrivaient, il fallait qu'il check. C'est un chien dangereux. Mais il a réussi à dresser. Puis ça, c'est un chien. L'enfant, c'est mieux que ça. Fait que c'est le même phénomène. Il faut que lui sache que quand lui, tu honoreras ton père et ta mère, qui sont honorables, il faut qu'il sache que tu honoreras tes enfants. Que c'est ça. C'est l'exemple le plus évident. Pourquoi un enfant de 6 ans ferait le ménage de sa chambre, ramoncherait son linge, ses livres d'école, quand la bonne femme est ramasse, puis elle fait son sa chambre? Pourquoi? C'est un étudiant, vrai? Ben non. Lui il aime ça une chambre propre. Hein? Il aime ça, chez tous les enfants, ça, les chambres propres. Pourquoi ils font pas le ménage de chambre? La mère, elle le fait. Oui, mais qu'est-ce que ça fait pas, il s'avoue? Non. Puis, il sait qu'il va souffler plus que lui. Fait qu'il fera pas d'attendre. Puis, c'est officiel, il faut finir par commencer. Fait que lui, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est vrai, c'est intelligent, c'est de l'intelligence. On ne doit pas se pousser d'avoir un enfant de même, on devrait être content. Puis après? Il l'a jamais fait. Ben oui. Jamais. Puis après? Oui, mais après. Faut pas que quelqu'un fasse, il y a pas un logique total. Oui, mais lui, avez-vous déjà expliqué l'intelligence de l'ordre? Lui, avez-vous prouvé que c'est intelligent d'être en ordre? La sacoche est-tu en ordre? Les valises de char des hommes ici ou de ceux qui ont des femmes qui ont des autos, c'est bien dans l'ordre? Les garages? Parce qu'on peut en chercher des places. Et vous savez tous qu'on a besoin dans une maison d'un petit coin où on peut tout foutre n'importe comment. Mais l'enfant, il y a rien que sa chambre. Non, mais c'est vrai. Que l'enfant, il y a rien que sa chambre. Donnez-lui un garde-robe ou une caisse, puis dites-lui que quand là, t'es tanné, là, prends le pelle, pousse tout là-dedans. Ferme. Juste pour que. Il va finir par apprendre des choses. Puis après ça, il faut lui expliquer avec. Tu te sens pas bien quand tout est propre. Il va dire oui. Mais quand il joue, il se sent bien quand il joue. C'est que quand il sort tout, mais après ça, quand tout est plein, il se sent bien quand c'est propre. Puis là, quand il voit l'énergie qu'il devra mettre pour mettre ça propre, il préfère attendre que la bonne femme apporte. Moi, ce que j'ai pensé, c'est une affaire intéressante. L'enfant, il laisse traîner son linge contre. Il est rendu à 8, 9, 10 ans. Pour les parents, mais moi aussi, je comprends. Deux, mais là, ça y est, pourquoi il invite ses chiens dans sa chambre? Pour cette boucle de belle, là, Puis là, ben, il y avait. Tu sais qu'il va appeler. Bon. Fait que, souvent, il l'amène après l'école. Fait que toi, tu prends tes bobettes, tu les mets dans ta chambre. Il faut comprendre l'intelligence de remonter son linge. Cinq! Faut que les parents soient pas trop orgueilleux. Mais c'est évident que là, l'enfant, il va chialer. Mais quoi? Ça a même affaire partout ici. Puis moi, je me suis dit, t'as peut-être raison d'être le linge traîné partout. Je fais comme quoi. Et là, la manette du gris, je pense que j'ai raison. Que le linge traîne pour. Qui t'en parle? Il va trouver sa mère de chienne de tout ce que vous voudrez. Il va ramasser son linge. Faites-en pas. Si l'enfant n'a pas trop d'orgueil, félicite-toi encore. C'est un être humain heureux, encore plus parfait. Là, il faudra toute la fois pour jaser avec lui de l'esthétique, mais rendu à cet âge-là, il est capable de comprendre bien des choses. D'après ça, il faudra étudier avec lui, on va juste pour pouvoir bâtir un monde avec lui. Puis là, tu fais le ménage du frigidaire à un moment donné où il faut jaser avec l'enfant, mais pas lui expliquer comment c'est beau. Posez-lui des questions. Oui, mais c'est ça, poser des questions. Maman est tannée de... C'est ça. Il faut que lui soit tanné. Ils sont pas fous. Ça prend du temps, ça prend plus d'énergie. Présentement. Et quand un enfant a compris bien les choses, bien l'évolution, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais l'instruction, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qu'il a appris, il va l'avoir. S'il ne l'oublie pas, il va s'en servir. Tout ce qu'il n'a pas appris, il faudra s'y montrer. S'il montre d'intelligent, s'il permet d'apprendre comment apprendre, ça prend du temps dans le début, hein. Mais après ça, c'est comme ça. Toi, tu rentres quelque part, tu n'as jamais été, mais tu sais comment te dire. S'il lui a appris à apprendre, il va rentrer avec toi, il ne peut rien aider non plus. S'il faut, s'il monte tout, quand il va rentrer là, il faut encore s'il faut dire mon tour. Fait que c'est plus tough de même, il continue. La maison, même, c'est important. C'est pas grave, c'est l'enfant, puis toi qui est important. Oui, mais moi, j'aime ça, un cadre beau. C'est bien qu'il n'y a pas ça d'enfant. En faisant rentrer l'enfant là, tu fais rentrer un humain à part entière qui aura le droit d'imposer son temps, son espace, sa vie à la tienne. Pas choix. Puis toute l'éducation de l'ancien, c'est d'imposer à l'enfant notre monde. Non. Tu veux vivre avec un gars, il va avoir ses meubles, tu mets un enfant au monde, c'est un arrêt d'adulte à part entière, un humain à part entière. Pas un adulte, mais un humain. Alors, il aura le droit à son monde. Si dans son univers, tout est bordel, il faudra que tu vives avec ça. Dans le tien, tout est propre, il faudra qu'il vive avec ça. Maintenant, c'est pas une guerre qui devra s'établir entre les deux, c'est de l'intelligence. L'enfant qui dit, on devait aller au parc aujourd'hui. Oui, mais là, il faut que je fasse le ménage, j'ai pas encore fait ça. L'enfant qui va te répondre, ben maudit, le ménage, on va aller au parc, on va vivre, le ménage, il pourra bien attendre. Trouve pas de réponse à 56 raisons. Il a raison, l'enfant. Puis s'il apprend que quand il a raison, tu fais. Quand tu lui as mis des points intelligents, il va te dire, toutes les fois que j'amène des points intelligents, comprends donc, un pas folle. Ça m'amène des points intelligents, à peut-être raison. Il va donc les analyser lui avec. Et là, il va finir par comprendre les choses. Mais si tu comprends le premier type de tes enfants, là, hein, que soit tu reçois de la visite, puis la maison a un sac comme un bordel, c'est qui va avoir honte? Tu fais un pacte avec l'enfant. Qui va avoir honte? La visite. Mais pas toi, j'espère. Mais tu fais un pacte avec l'enfant. Mais non, mais c'est vrai, franchement. Tu fais un pacte avec l'enfant. T'expliques à l'enfant, tu fais un pacte. Tu fais les enfants vont avoir une parole si vous en avez une. Promets quelque chose à un enfant, exécute. Ça te coûte 1 million, force-toi pour l'exécuter. Puis là, l'enfant, quand il aura une parole, quand il aura donné sa parole, il va le faire aussi. Parce que tu sais, pour qu'on en arrive à ce que la parole soit un contrat. Alors, tu expliques à l'enfant qu'on va faire ça, mais j'aurai besoin d'aide après. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire pour m'aider après? Pour clarifier, parce qu'un instant, oui. Après, bonjour. Pour clarifier, pour dire, tu vas faire ça, l'enfant, il va vous dire ce qu'il va faire. Tu lui expliques que moi, là, je suis une vieille bonne femme, tout pognée, là. Je reçois des invités, tout pognée, là, puis on a besoin d'une maison propre. Sinon, la mère, elle veut taper quelque part. Deux, c'est un clic. Bon, l'enfant va rire, mais il comprend tout le message. Puis là, lorsque tu fais le pacte, tu lui dis quand on va revenir, il faut que ce soit ça. Oh oui! Tu peux même l'enregistrer, si tu veux. Quand tu vas revenir, la première chose qu'il va faire, il y a des fortes chances qu'il ne t'écoute pas. Là, tu le ramasses, tu le dis dans ta chambre. Les enfants qui n'ont pas de parole, moi, je veux même pas que ça claque. Qu'est-ce que t'en fous? Il va faire une crise, tu fais comme pour ton enfant. Mais non. Si tu m'as dit que tu le ferais, ben on le fait ou on le fait pas. Mais si on le fait pas, tu disparais. Mais dans la chambre. Il faut parler avec une voix, pas crier avec une voix qui a de l'énergie. L'enfant, il fera ce qu'il voudra. Mais la prochaine fois qu'on va vouloir t'acheter, tu vas lui dire, là, on sort encore, mais en revenant. Ah oui, oui. Oui. Mais là, la dernière fois, je t'ai mis dans la chambre. Et c'est pas que je te passe à travers le mur. Il sait que c'est ça, l'enfant. Là, tu vas lui dire, si par contre, tu fais ce que tu dis, n'importe quoi, ça voit quelque chose de moi, on pourra s'entendre. L'enfant, il est pour. Là, il va apprendre à échanger l'énergie. Mais il faut que le parent soit... Quand c'est intelligent, il faut que tu fasses comme l'enfant va faire. C'est évident qu'il va s'essayer. Vous autres, vous essayez tout le temps. Mais l'enfant aussi. Mais il faut que lui sache. Il y a un paquet d'enfants, les parents ici qui ont des enfants, mais quand je travaille avec eux autres, ces enfants-là, moi, j'ai jamais aucun problème. Alors, on donne des cours d'art d'aim, forme d'art martial. Bon, ça défoule les enfants, ça leur montre comment connaître leur corps un peu, le contrôler. Ça défoule un peu leur agressivité. Mais quand je travaille avec eux autres, je leur demande de se taire et se taire. Dernièrement, je travaillais avec un tout petit jeune, qui était ancien, mais là, qui transite. La preuve, c'est quand il disait de faire des choses ben achalant, ben étonnant. Puis quand il parle, tu vois les yeux qui fuient. L'enfant nouveau fait pas ça. Mais à un moment donné, ben, il transite suffisamment que pendant que moi, je suis en train de parler, il te lâche un grand cri. Wouah! Mais là, j'ai pas attendu 20 minutes, hein. Je l'ai regardé, puis il m'a eu d'en face en maudit, hein. Ça recommence une autre fois, puis je ne peux jamais t'en voir dans la classe. Il a compris le message. Sauf que l'enfant tient très, très traumatisé. Parce que l'énergie, quand je veux en mettre, j'en mets. 5 minutes après, il occupait, mais il a toujours une très, très bonne relation avec moi, donc il ne peut pas faire autrement que de continuer à me respecter et à m'aimer. Mais il y a eu un choc. Alors, il y a des combats, puis les professeurs se battent avec les enfants, parce que les enfants ont besoin de se battre avec les adultes. Les combats au sol. Puis je passe par un arrière, puis je m'en vais mettre les deux mains sur les épaules, puis je commence à faire un massage. Ben, il me regarde et dit, « Tu me battes avec toi après? » Fait que là, je sais que tout est parfait. Il n'ira plus, par exemple, que mon frère de classe. Mais il va revenir tout le coup. Parce que si un adulte a besoin d'être c'est bien moi. Après ça, ben, c'est que je me suis battu avec. La semaine d'après. Faut pas qu'il pense me racheter trop vite. Ça, il y a un paquet de subtilités, mais on a tellement peur qu'il nous aime plus ou de perdre ceci ou cela qu'on n'arrive plus à rien faire. Mais quand ton enfant est pas mal sur toi, je sais parce qu'à 14 ans, là, un garçon, là, trouve une mère installée, puis là, il commence à se voir jouer sur des bras, puis là, il commence à... Tu sais? Là, la mère, elle dit, ouais, ben, il me semble que rentrer dans le mur, il me semble que le petit je te dis, 14 ans en montant, l'éducation est pas mal finie. Faut que tu deviennes un ami. Puis un ami, c'est comment? Il y a une personne ici qui a eu des problèmes dans le genre. Puis à 14 ans, s'il devient têteux, tu le fous à porte. Puis l'enfant, il veut pas, puis l'enfant, il fait ci, il fait ce pas. Là, maintenant, 14 ans, là, c'est le temps. S'il a sa chambre, bordel, comme qu'il voudra, c'est pas grave. Permets-lui d'avoir son espace vital. Mais tout le reste de la maison, là, il va faire ça ou il va vivre ailleurs. Ça, faut qu'il le sache. Il va tout faire pour ne pas le faire, ils s'organiseront. Tu déménageras, tu feras ce qu'il faudra, mais il va falloir absolument que... Parce que la seule chose maintenant qu'il reste à faire, considère-le comme le voisin. Bon, le voisin est correct. C'est mon enfant. C'est pas ça l'idée. Tu te considères comme ton enfant, il va te considérer comme ta mère, comme sa mère. Fait qu'il va pouvoir faire ce qu'il va vouloir avec toi. Fait que là, maintenant, il faut qu'il sache tout de suite que c'est un adulte. C'est ta maison. S'il veut mettre le bordel dans la moitié de la maison, il faudra qu'il paye la moitié du loyer. Sinon, ben, il va se contenter de la chambre, il fera ce qu'il voudra là, mais quand il mange puis qu'il met la vaisselle sale, ben, tu vas t'organiser pour mettre du stuff dans la vaisselle, tu vas la mettre dans sa chambre. Ça sent mauvais, ça sentira mauvais dans sa chambre. Puis s'il la laisse là, laisse-le là, il te niaise. Mais il est en train lentement d'apprendre à faire le ménage. Il ne fera pas tout de suite, hein, mais il ne restera pas longtemps. Peut-être 2-3 mois, ce qui est bien ça. C'est quoi? Ben, on va dans ta chambre. On a plein, plein de peurs comme ça, mais l'éducation de l'enfant est plus importante que toutes ces petites choses secondaires. Et bien souvent, tout ce qu'on a peur dans le genre n'arrive jamais. Parce que si l'enfant vit que toi, il ne pourra pas endurer longtemps ça parce qu'il ne peut pas y être coloré par ce côté. Il se révolte, mais quand même, il peut pas. Mais il ne faut pas se s'assiner. C'est de leur dire qu'il y en est. Il est bon pour ça, dans le début. C'est ce que, quand la mère commence à le travailler, il faut que le bonhomme fasse la vaisselle. Il n'aime pas ça. À un moment donné, il va faire la vaisselle. Alors, les autres questions, on les conserve. On va faire... l'été, on continue à fonctionner, sauf que je vais continuer à faire des conférences sur l'enfant. Mais, ça me tente en tête depuis un an et demi. Faire un séminaire intensif sur l'éducation de l'enfant pour les adultes et puis d'en faire un après ça pour les enfants pour montrer aux enfants comment vivre avec les adultes. Très important. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de parents qui vont inscrire leurs enfants. Parce que ça, c'est automne. Le Canada, de toute façon, je donne des conférences régulièrement. S'il y a des questions sur l'enfant, vous ne vous gênez pas. Souvent, les parents viennent me dire, moi, j'ai tel problème avec mon enfant, qu'est-ce que je pourrais faire? La seule réponse que je peux leur dire, si je le verrais, je pourrais te le dire. Des réponses par téléphone, là, en différé, c'est bien compliqué. Mon enfant, il fait ça, il est malade. Je sais pas ce qu'il y a, bon. Et à un moment donné, j'ai vu le sien. Puis le sien, il est juste passé à côté de moi, il m'a donné une claque sur le ventre en me disant allô. Fait que c'était évident que c'était un enfant nouveau. Alors, instantanément, il m'a regardé, puis j'ai vu tout de suite qu'on s'entendait bien, bien, bien, tous les deux.